Canicule. Une fin de Sébastien David. Dans une mise en scène d'Anne-Marie Olivier. Une production des Finissantes et Finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Du 9 au 14 décembre au Théâtre du Conservatoire. Billetterie en ligne au conservatoire.gouv.qc.ca. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80, en direct sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1 à Québec. Aujourd'hui, on a une émission pas mal spéciale. On a un invité, un philosophe de Limoilou, professeur de philosophie au cégep de Limoilou. Dominique va être avec nous ce soir sur Genix et Climax 80. Et à part ça, on va avoir une playlist pas mal variée. On va avoir j'ai le rock and roll pis toi Offenbach. Puis on va avoir Judas Priest, You've Got Another Thing Coming. Puis Bon Jovi, John Lennon et bien d'autres ce soir, les amis. Restez des nôtres sur Genix et Climax 80, il est minuit 2. C'est moins 8 degrés sur la vieille capitale, mais c'est pas grave. On va se pommer à soir sur Genix et Climax 80, en direct, live de Limoilou au 89,1 à Québec. Pour les nouveaux venus et ceux qui se joignent à nous à peine maintenant, parce qu'il y a toujours des nouveaux venus sur l'émission Genix et Climax 80, alors il suffit de savoir que c'est d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. C'est le titre de ce fameux bouquin, encore inédit donc. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Genix et Climax 80, si on faisait un petit synopsis. Alors, au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Donc voilà. Alors, bonsoir, rebonsoir tout le monde. Bonsoir Lana. Bonsoir Florian. Comment vas-tu cette semaine? Ça va bien, merci. Ça va? Ouais. Tu survis à la neige, ce nouvel environnement tout à coup? Oui, bien sûr. Bon. Ça me maintient en forme. Faut bien. C'est vrai que ça aide à l'élasticité des corps, enfin l'élasticité des peaux. Si on les laisse comme ça, si on se balade, c'est vrai que c'est vivifiant. C'est vrai, c'est vivifiant. On est en direct de la 3e avenue, 4e rue. Et ce soir, on a une émission spéciale parce que on a un philosophe avec nous qui va nous parler de la nostalgie et de ce sentiment étrange d'être triste, mais d'avoir une espèce de joie de se projeter dans d'autres temporalités. Donc, de penser qu'avant, c'était mieux. Moi, dans Genix et Climax 80, j'essayais de éviter, enfin, ce genre de... Parce que on veut pas passer pour des vieux cons, ici, sur Genix et Climax 80. Non, pas vrai, on n'a pas envie de dire qu'avant, c'était mieux. Mais, je sais pas. Il y avait un truc, quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que chaque moment, c'est autre. Ben non. Oui, évidemment, bien sûr. Il faudrait bien apprécier notre jeu, parce que c'est les seules cartes qu'on a. Et donc... Je préfère aussi laisser la parole à notre hôte ce soir. Ben oui, Dominique. Il va venir bientôt. Notre invité. Ouais. Yes. Donc, voilà. On va malheureusement ce soir, Ace n'est plus avec nous. Il était là depuis un certain temps quand même. Hein? Quand même. Oui. Ace nous a hantés depuis son départ. Impromptu. C'est comme ça. C'est la vie. Et le Spaceman nous a quittés. Et donc, pour pallier à ce manque, on a décidé d'y aller avec... le culot et d'envoyer Echo and the Bunny Man. Et c'est ce soir, en direct de Québec City, sur le 89,1 CKRL Radio. Et c'est avec lui qu'on va faire notre petit récapitulatif de la semaine. Mais avant, on écoute Echo and the Bunny Man, cet excellent band des années 80. Sur Genix et 4, Genix et Climax 80, les amis. Alors, précédemment, sur Genix et Climax 80, on a pu tenter, depuis maintenant 21 semaines, tant que notre modeste talent d'écrivain nous permettait de nous exciter suffisamment pour que nous ayons naturellement la tchatche et la prétention imbuvable de ce petit style prétentieux et aux petites manies de Muscadin qui débarque chez lui dans sa province natale, rincé, fauché et totalement désabusé, inquiété par toutes sortes de petites déconvenues et contrariétés qui l'ont énervé assez pour qu'il panique et se sente floué, ridicule, comme le capitaine d'un vaisseau fantôme ou le clown alcoolo et narcomane vieillissant dans l'amertume et la décadence de divers morceaux de sa carcasse qui commence à se barrer en couille et de tout ce qui compose sa petite personne. On dirait que l'envie n'y est plus, comme autrefois, de rencontrer les starlettes, d'avoir le chic de l'homme providentiel, l'homme sandwich qui ramène des coca ou qui part d'un pas diligent et sans cafouillage pour le bar tabac le plus proche, de l'autre côté du boulevard. Là, on pourra faire le plein de chewing-gum pour Yvonne et d'un paquet de carambars pour Jean-Luc, le caméraman principal, au sourire ébréché de l'édenté qui a franchi le cap de l'acceptation de quasiment alors c'était Echo and the Bunnymen, Killing Moon, le gros hit des années 80 pour certains, enfin moi j'aimais bien ça. On se promet sur la radio, c'était en fait une émission sur l'émission en fait sur le canal anglophone de Québec City. C'était MI5, ça s'appelait dans le temps, et on a regardé ça le jeudi après-midi, et puis voilà. Donc, notre invité est arrivé. Salut. Dominique, salut. Salut. Ça va? Tu peux t'appeler? Oui. Ah oui. Ah, écoute, on est ravis. Salut, Dominique. De t'avoir avec nous. Je suis correct. Je suis à la bonne distance du micro. Oui, oui. Oui. OK. Comment vas-tu? Dominique Eudes. Ça va relativement bien, là, toi? Ben oui, écoute. Autant que ça peut. On a décidé de remettre notre suicide à... Là, enfin, on a pensé peut-être attendre après les fêtes. OK, ben c'est bien ça, parce que c'est un peu à la mode en ce moment, la mort assistée, là. Ça fait qu'il faudrait pas trop être à la mode non plus. Non, c'est ça. On a pensé, tu sais. De toute façon, faire une connerie, on a toujours le temps. On a toujours le temps de faire une connerie. Et on tant peut... que tu fais pas celle-là. Hein? Ben, c'est ça. On s'est dit qu'on aime ça, de toute façon, faire le show. Et puis, on est là, et puis, on n'a pas... en fait, c'est une boutade, hein, c'est idiot de dire ça, hein, mais on essaie de dédramatiser les choses ici sur Gen X et Climax 80. Donc, salut Dominique, écoute, on t'a présenté en tant que philosophe. C'est parfait, ça. Et... c'est ça que je suis avant tout. Ouais. Ça donne que je suis prof de philosophie, mais c'est comme secondaire. Ben... Non, moi je trouve pas, parce que justement de mes études au cégep, parmi les bons souvenirs que j'ai, c'est justement mes profs de philo. C'est un petit peu, je dis pas que c'est secondaire en importance, peut-être qu'effectivement pour les autres c'est plus important que je sois prof que d'autres choses, mais c'est secondaire d'un point de vue logique. Disons que je suis philosophe avant d'être prof de philo. Oui, oui. Dans le sens, ben oui. Écoute, puis d'ailleurs, on s'est connus, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais avec un ami, Martineau, Metal Martineau. Écoute, on te salue, salut Richard. Et donc, on était ensemble et on marchait sur 3e Avenue. Et à un moment donné, je pense que c'est moi qui n'avais pas de feu. J'ai pas de feu. Et on t'a vu sur une galerie qui était ici. Et c'est, on t'a demandé c'est du parfait, feu. Parfait, toute ton histoire, tu te rappelles bien, sauf que c'était sur la 18e rue. Ah oui, 18e rue. OK, c'est possible. Effectivement, je t'ai connu. On était sur le j'étais sur le balcon avec une amie. Puis ouais. On a parlé à ce moment-là. Ouais, oui. Et puis on s'est échangé nos coordonnées, ou en tout cas, oui. Tu m'as donné les tiennes. Oui, oui. Puis on a, d'ailleurs, on a été à des parties chez vous. Ben, tu sais, c'est des parties quand même où c'est stimulant. Tu sais, ben c'est les cafés. Ben c'est pas les cafés, c'est les. Ça dépend. J'ai organisé plein de trucs chez nous là, mais il y a entre autres les salons politiques ouais, que c'est j'organise ça. Entre autres. Ouais. D'ailleurs, moi, j'aimerais pouvoir assister plus souvent, là. Mm-hmm. Mais malheureusement, on habite en haut, puis des fois, nous, ça nous prend du, ça, pour nous bouger. C'est comme tout le monde, hein, de toute façon. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler pour nous donner vos impressions au 418-640-1586. Et c'est difficile de bouger les gens de nos jours. Effectivement, là, toi, tu bouges quand même une fois par semaine pour venir donner l'émission ici. Ouais. Je te fais remarquer. Oui, oui. C'est pas. C'est déjà pas pire. Ça serait pas très loin de venir à mon salon politique. Oui. C'est que c'est pas mal. Je reste ici à 42 secondes, là. Oui, oui. Ben oui. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un samedi. Oui, il y en a un samedi. Je peux faire la pub tout de suite, effectivement. Là, il va y avoir quelque chose en lien. Évidemment, je l'ai pas vu la conférence, que je peux pas savoir d'avance ouais. Exactement la teneur du propos, mais ça va être quelque chose sur la science. Puis est-ce que la science, ça nous fait toujours progresser socialement, ou au contraire, des fois, c'est un peu rétrograde la science. Qu'est-ce que la science peut nous dire finalement, puis est-ce qu'elle peut nous aider ou pas à progresser socialement? Et aussi, peut-être, sans doute, qui fait parler la science aussi? Ah ben, effectivement, j'ai hâte de voir le conférencier là les subtilités qu'il va mettre de l'avant, là, mais effectivement, il y a les scientifiques et il y a la science. Hein, ouais. C'est deux choses complètement séparées. Hein. Et en tout cas, ben, nous, on vient quand même d'un monde où la science était devenue quand même quelque chose d'important. Aussi important que la religion, je pense, de nos grands-parents, chez nos grands-parents. Là, t'sais. Il y avait comme une espèce de balancier là, tu sais, où d'un côté on avait encore un peu la religion, tu sais, nous quand on était, toi t'es un Genix quand même, on quoi, doit le dire. Ben, je suis né en 1972. Oui. Là, on a le même âge. Ok. Ben pratiquement, moi je suis un peu plus vieux que toi, mm-hmm. Mais en tout cas, on est quand même des Genix et nous, enfin, corrige-moi si j'ai tort, mais on avait quand même la catéchèse. Mais d'un côté, on avait aussi la science et qui disait toutes sortes de choses ou qui infirmait ou qui confirmait des choses. Et on était vraiment entre deux trucs, je trouve. Et donc, enfin... Moi, je viens de la campagne. Ma famille était pas très religieuse. On allait effectivement... à la messe de minuit, là, à Noël. Là. Mais je suis pas fort sur la religion, je suis pas un gros croyant. OK. Je l'ai été une petite période de ma vie très, très courte. Ce que je dirais par ailleurs sur la science, c'est que qu'elle avançait moins vite ou plus vite avant, ça peu importe. Elle avance encore pas très vite, la science, aujourd'hui. Mais ce qui est apparu depuis mon époque à tout, puis la tienne, depuis qu'on était jeune, c'est Internet. Oui. Puis Internet, ça propage tout. Ça fait que quand il y a ambiguïté à savoir qu'est-ce que le réel, lui, est, Internet, il s'en fout complètement, lui. Il passe les idées qui marchent. Oui. Les idées qui sont hautes, les idées qui plaisent aux gens, puis qu'on va transmettre, finalement. Puis ça rend, je sais pas si la science a beaucoup changé depuis notre époque, mais ça rend certaines théories scientifiques très populaires, oui. Alors que par définition, elles sont totalement inaccessibles. La théorie des trous noirs, Monsieur Tout-le-Monde, il comprend absolument rien, moi-même. C'est complexe, oui. Dans Monsieur Tout-le-Monde, ici... Puis on entend parler les gens de wormhole comme si c'était des réalités de tous les jours, alors que c'est une invention de la science-fiction. Il y a l'Atlas... Ça n'existe même pas, hein. C'est... Les conneries sont beaucoup plus faciles à répandre. Est-ce que la science elle-même est plus facile à répandre aussi? Je suis pas certain. Parce qu'elle parle dans un langage qui est pas très accessible, qui est pas plus accessible qu'avant. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que la science, la religion et d'autres choses aussi, hein, affectent gravement la inconscience collective? Hein? Ben, sans doute. Sans doute. Mais ben, c'est aussi la thématique de la nostalgie, parce que, non, c'est ça. La nostalgie, ben c'est sûrement par rapport à l'inconscient, peut-être pas collectif, mais en tout cas à notre inconscient à nous. Et m'amener sur les années 80 là. Ben on essaie tranquillement parce qu'on s'est laissé dévier, mais c'est ça qu'on fait souvent nous ici. Tu sais, on se laisse porter par, écoute, par le feeling. Et là en ce moment, ben dehors, c'est un peu désolé. Alors on essaie de se projeter dans des contextes plus lumineux, plus avec le soleil, le copper tone. Puis il me semble les années 80, il me semble que écoute, on sent tout de suite le soleil qui brille. Regarde, ce que je dirais premièrement là, c'est que les années 80, le monde était peut-être plus simple, hein? Parce que veut pas, d'un point de vue purement objectif, là, quand moi pis toi on est né, on était même pas 4 milliards sur la Terre, hein? On est rendu 8 milliards. C'est ça vrai. Ça fait, hein? Que déjà là, d'une manière très concrète, on est deux fois plus. Clairement, le monde est deux fois plus complexe. Ouais. Deuxièmement, il y avait postes. Tu parlais de MI5 tantôt. MI5. On avait Radio-Canada. Radio-Canada. Moi, dans Charlevoix, en plus, Radio-Canada, il rentrait avec de la neige, tout croche. Télé-Québec, on le pognait pas. C'était Radio-Québec dans le temps. Radio-Québec. Maintenant, Radio-Québec, c'est tout autre chose. On salue Alexis. On l'avait. Il rentrait inécoutable dans mon coin. C'était complexe. Puis il y avait TVA. Même ici. Télé-4 ou... Ouais, Télé-4 à l'époque, Télé-Capital. À cette heure qu'aujourd'hui, l'information, elle se fait par Internet. Ouais. Elle se fait... Les gens magasinent qu'est-ce qui leur plaît. Moi, j'ai jamais magasiné les nouvelles le soir. Je m'assoyais... Si mes parents écoutaient les nouvelles, puis c'était ça qui était sérieux de faire, je m'assoyais avec eux, puis j'écoutais les nouvelles. Moi, j'écoute encore les nouvelles. J'essaye encore d'écouter les nouvelles à TVA le midi. Puis le soir, j'essaie d'écouter là, autant que possible. Enfin, j'écoute pas tout, là. Je parle pas de moi pis toi, hein. À Radio-Canada. Je parle d'un monde qui peut bien nous sembler plus complexe quand tout le monde a ses sources en fonction du goût, quand ça lui tente. Ouais, ouais. Puis avant, on avait quelques sources. Le lendemain matin, si je parlais de la télévision avec mon cousin, il y avait des bonnes chances qu'on aille écouter le même truc. Oui, oui. Parce qu'on avait, tu sais, le monde était plus petit dans ce sens-là. Nonobstant le fait qu'on était 4 milliards puis qu'on est 8 milliards aujourd'hui. Il y avait les journaux aussi, la presse écrite, ben oui. qui dictait beaucoup aussi, tu sais, quand même. Tu sais, enfin, il y a les... il y avait quand même quelques éditorialistes là, qui étaient pas pires là, tu sais, puis qui avaient des bonnes idées, tu sais. Ils fabriquaient le monde, ces gens-là. Je le dis pas d'une manière péjorative, je le dis d'une manière terre à terre. Oui. Littéral. Ils fabriquaient le monde. Aujourd'hui, le monde est fabriqué par qui? Ouais. Ça devient extrêmement confus de savoir. Il y a les médias mainstream quand même qui ont leur voix là, qui est encore forte là. Oui, je suis bien d'accord, mais les médias mainstream, ils vont dans plein de directions différentes, puis on le sait qu'ils sont de moins en moins forts. Ils ont de la misère à survivre à la plupart des médias mainstream dans le monde actuel. Oui, c'est clair. Parce que la plupart des jeunes, moi je suis prof de philo là. La plupart des jeunes là, ils savent à peine c'est quoi des nouvelles. Ouais. Alors que moi pis toi, quand on les écoute ou pas, au moins on sait c'est quoi, tu sais. Je veux dire, on vit pas dans le même, on n'est pas dans le même monde qu'il y a 30 ans. Ça, c'est assez clair. C'est clair que c'est quand même une grosse différence. Il y a toutes sortes de choses. Moi, en tout cas, dans le bouquin, j'essaye, tu sais, de, tu sais, en même temps, tu sais, le but justement de ce bouquin, tu sais, c'était d'essayer de autrement que de dire que dans notre temps c'était mieux, parce que je veux pas justement faire le vieux con et dire que c'était mieux dans le temps, mais dans le temps il y avait quand même une liberté, il y avait quand même une certaine innocence que aujourd'hui on découvrira peut-être dans 50 ans notre innocence d'aujourd'hui, mais on a l'air de l'avoir perdu, l'innocence. Et moi, si j'étais nostalgique de quelque chose, ça serait de ça, d'une certaine innocence. Et je regardais dernièrement, je sais pas si tu regardes les séries, mais je découvre cette série Stranger Things, et je trouve ça vraiment super. Et il nous parle de ça, d'une certaine innocence qu'on a perdue. Bon, moi, je pourrais dire plein de choses là-dessus, là. Ça me fâche de te contredire, mais pour moi, il n'y a pas d'innocence perdue face aux années 80, sinon dans ma propre vie. Hein. Ma propre vie, certainement, ben, c'est ça, avant 20 ans, j'étais plus innocent dans le sens que j'étais plus naïf, je connaissais au moins une chose. Rendu à 50 ans passé, clairement, c'est le gros de la vie de un, il est passé. Probablement qu'il en reste moins par en avant qu'il en restait en arrière. Qu'il en a en arrière. Ça, Dieu seul le sait. Ah oui. Ah non, bon, je suis d'accord. Mais moi, de où je suis placé, c'est comme ça que je le perçois. Alors qu'à 20 ans, c'était facile de voir le contraire. C'était facile de penser, sans y penser, à l'invincibilité. Ça aussi, c'est une autre chose dont je suis nostalgique. Et peut-être que c'est ça, finalement. C'est que la nostalgie, c'est une façon de pleurer sur notre propre sort. Et donc, autrefois, on était mieux. Mais moi, où je me situe, ça reste une place entre les deux. Parce que les extrêmes m'énervent. Mm-hmm. Je peux pas le dire autrement, là. Les gens, par exemple, qui vont dire « c'était mieux avant », pour moi, oui, sur certains points. Ben oui. Puis des gens qui vont dire « c'était pire avant », je vais leur dire oui, mais sur certains points aussi. C'est que je me situe... Tout à fait. Entre les deux. Ben oui, à la fin... Très dangereux, excuse-moi de te couper, là. Je trouve ça très dangereux, d'ailleurs, de ne pas se situer entre les deux. Soit d'idéaliser le passé, ou de le rendre sombre, horrible. Ben oui, complètement out, tu sais, comme on nous le montre souvent de nos jours, je trouve... Comme si... mais bon, les caricatures qu'on fait, moi, ça me fait rire aussi, mais en même temps, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on était complètement hors champ. T'sais. Mais l'affaire qui est quantifiable, c'est l'accélération du monde. Ça se quantifie objectivement. Puis le fait qu'on soit à 8 milliards plutôt que 4 milliards, c'est facile à quantifier. Ouais. Internet, facile à aussi à voir la différence entre Internet puis des postes de TV. Mm. Tout le monde va se rendre compte que c'est différent. Là, c'est facile à expliquer de manière claire. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins claires. Tous les courants planétaires, toutes les idées maintenant qui passent. Autrefois, il y avait...

des années 80. Parce que on a essayé, tu sais, de continuer à vivre comme on vivait, les années 90, les années 2000, les années... OK, en 2001, ça a un peu changé, là. Mais on est quand même dans un genre d'essoufflement, là, qu'on... Parce que je regardais Stranger Things, justement, et je trouvais que la reconstitution d'époque est pas pire, là, à part les peut-être les coiffures, là. Mais je trouvais quand même que... On est totalement dedans. Puis là, si on écoute Every Breath You Take, moi, je trouve que c'est totalement actuel. Absolument. T'as bien raison. Ça vieillit bien, en tout cas. Ouais. Ben, en tout cas... Ça vieillit jamais. On te le dédie, Dominique. Merci d'être là. Every Breath You Take sur CKRL Radio, le 89.1, en direct de la belle ville de Québec. C'était Every Breath You Take de Police. Et on est de retour sur Genix et Climax 80 avec notre invité spécial, Dominique, philosophe et professeur de philosophie au Cégep Garneau. Et Lana avait une question tout à l'heure qui la turlupinait. Par rapport à la nostalgie? Oui. Es-tu nostalgique? Oui, tantôt tu m'avais demandé de penser à trois choses qui me rendaient nostalgique des années 80, là. Oui. C'est que j'y ai pensé un petit peu. Hein. Moi, je suis nostalgique du médium physique, premièrement. Toute personne qui est venue chez nous le sait, là. Mm-hmm. Je considère que votre musique que vous écoutez sur à tous ceux qui écoutent l'émission, la musique que vous écoutez sur Spotify, c'est de la musique qui m'appartient pas, qui est pas à moi. Moi, mm-hmm. j'ai encore des CD chez nous. J'écoute de la musique physique. Je comprends pas à partir de quel moment les gens sont imaginés qu'ils possédaient les trucs en payant à tous les mois pour les regarder, pour les écouter. Non, c'est le contraire des possédés, si on les loue. C'est en perte de vitesse, de toute façon, j'ai entendu dire. Hein. Il y a de moins en moins de gens. OK. Je suis nostalgique aussi, beaucoup, je dirais même, hein, d'aller visiter les gens sans savoir s'ils sont là, pour leur donner une nouvelle année. Ouais, tout à fait. Oui, les années... Quand j'étais petit, là, on n'appelait pas avant de débarquer chez quelqu'un. On débarquait chez quelqu'un parce qu'il risquait d'être là. S'il n'était pas là, ben tant pis, on allait chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis on avait juste le téléphone fixe, quoi. Oui, effectivement. On a décidé d'arrêter avec les numéros de téléphone, Florian et moi. Donc, on veut essayer d'amener quelque chose de... On résiste, mettons. Moi, j'en ai pas de téléphone intelligent ou téléphone, tu sais, machine, là. J'en ai pas. Bientôt, je ne sais pas si je vais être capable de faire les trucs que la plupart des gens font, pas de téléphone. Ils sont en train de m'enlever des droits puis de m'enlever des possibilités. En tout cas. Tout à fait. Troisième chose. Faut payer cash, d'ailleurs, hein, les gens. Troisième chose qui m'a rendu nostalgique, c'est d'écouter des vieux films. Je vais d'ailleurs à la télévision, entre autres, transiter là-dessus, entre autres. J'écoutais l'autre fois de ça fait quelques années peut-être, de Goonies. Film un film totalement fait pour les ados, pour les enfants. Puis pourtant, ce qui me rend nostalgique, moi, c'est de voir le dialogue, de voir le niveau. Il y a un petit gars, m'en est, qui traduit ce que dit une femme en anglais, puis lui traduit supposément en espagnol ce qu'elle dit. Mais il est le seul à connaître l'anglais et l'espagnol, puis il dit vraiment n'importe quoi. On a les sous-titres en bas, là, puis il parle de drogue puis d'objets sexuels de manière à ce que plus jamais dans un film pour enfants ou pour adolescents. Mais c'était quand même Steven Spielberg, il me semble. Ça passerait. Goonies, c'était-tu réalisé par Spielberg? Je sais pas, certains produits par lui, je pense que oui. Ouais. En tout cas, ben étonné de voir que, à quel point le discours était pas contrôlé. Il était contrôlé, je suis pas naïf, là. Je le sais qu'il disait pas n'importe quoi. Mais il y avait une grande liberté quand même. Comment? Il y avait plus de liberté, au moins là, là. Ben oui, hey. On sortait des films crinqués, moi je me souviens. Mais en même temps, hallucinons-nous pas, là. Ce qui était considéré comme violent à notre époque, ça serait considéré comme pas violent du tout à aujourd'hui. Tu penses? Comme quoi, par exemple? Comme Game of Thrones, mettons. Game of Thrones, ça aurait même pas passé dans une émission d'adulte en plein milieu de la nuit. Non, là. C'est vrai, t'as raison. Pour ça, oui. Alors que les jeunes regardent ça, voient ça aujourd'hui. La sexualité est à la baisse. Oui, c'est mais c'est la vrai. Violence, elle, est à la hausse. Oui. Puis parler de drogue pour un enfant, ben c'est inacceptable. Là. Jamais un enfant va parler de cocaïne dans un film. Alors que le Goonies, il faisait... Et les Rock et Belles Oreilles, chaque vendredi, à 7h30, 8h, ils nous blastaient avec toutes sortes de choses. Je suis en train même. De regarder RBO. Hein, c'est pas croyable. Je viens d'acheter des DVD. Hein. C'est pas croyable comme ces gens-là sont baveux de tout. Oui, de tout. Mais vraiment, tu sais, il y avait une liberté à l'époque. Tu sais, je veux dire... Mais c'est pour ça que aussi Jennix et Climax 80 ont fait l'apologie de, je dirais, l'âme canadienne-française, c'est-à-dire à son meilleur. Là, je vais terminer, je le sais pas, mais au moins, je vais dire au moins ça. Là. Ce que vous faites, c'est à contre-courant. C'est clair. Et pour ça, c'est bien. Parce que quand j'étais jeune, quand on était jeune... On écoutait des trucs comme La petite maison à la prairie. Moi, je pensais on écoutait ça en famille. On écoutait ça tous les frères et sœurs ensemble avec la mère. Puis, veut pas, ça nous présentait un passé beau et positif. Il y avait des problèmes, il y avait des maladies, il y avait différents trucs. Mais le passé était montré d'un œil positif. Des émissions comme ça aujourd'hui. Non, c'est fini. Il n'y en a plus. Il y a eu Séraphin, je ne sais pas si tu as suivi. On nous montre. Non, même pas. Mais c'était quand même. C'est quand même à voir pour voir justement où on en est, nous. en tant que peuple, si, enfin, si on est encore un peuple, je sais pas. Il faut le savoir, hein, parce que moi, ce que je sais, c'est que le vendredi, en prime time, qu'est-ce qu'on a? Le samedi soir, on a des émissions qui nous viennent des States. C'est plus le talent fou, là, un talent fou, là, je sais plus quoi, là, c'est des clowns ou n'importe quoi, là, tu sais, des montreurs de. Des montreurs de. Je sais pas, des dresseurs de chiens, non, il y a toutes sortes de choses. Alors que ça serait si facile, si on est si fin, de mettre, je sais pas, un prime time avec des artistes d'aujourd'hui. Tu sais, il y en a des artistes, d'ailleurs, les amis au Pakistan. Mais ça, on va écouter une autre fois, éventuellement. Je propose. Oui? J'ai Rock'n'Roll Pete Twill. OK. Allons-y pour une petite chanson. T'es-tu d'accord, Dominique? Tu restes avec nous? Une chanson, puis je vous dis salut après. Mm. OK. Ah, OK, ben. Je parle encore après le temps de 3-4 minutes, disons. Là. Ouais, parce qu'on voulait justement parler de Games of Thrones et de la petite maison dans la prairie. Et donc, mais avant, on va y aller avec une excellente chanson d'un groupe de chez nous, Huff and Back. Et c'est J'ai le rock and roll Pitway live de Québec City sur CKRL Radio le 89,1 à Québec. C'était Jerry Boulet et son groupe Off and Back. J'ai rock and roll pitoué. Et puis on revient à notre entrevue avec Dominique qui voulait nous parler justement de la nostalgie, entre autres, et qui avait une approche super intéressante entre la maison dans la prairie versus Games of Thrones. Oui, effectivement. Ce que je disais tantôt, en tout cas, c'est que vous aviez au moins une émission contre-courant. Oui. Parce que ce qu'on voit plus jamais, c'est des émissions de TV qui nous montrent le passé de manière positive. Je ne demande pas qu'on nous montre le passé de manière naïve, mais non. Il semble avoir un espace entre les deux quand même. Je veux bien que c'était plate de tomber plus malade, d'avoir moins de médicaments, d'avoir une vie un peu moins confortable. D'avoir avant. Plus de neige. Oui, mais ça ne veut pas dire que tout était négatif. Puis moi, cette tendance-là à vouloir soit rendre le passé trop beau, mais aussi à le rendre trop laid, je trouve ça extrêmement inquiétant. On voudrait nous faire accroire... Ou à l'annuler carrément, des fois. Là. Ben oui, on dirait. On voudrait nous faire accroire que le monde gris, en baisse de couleur, parce que ça aussi, c'est observable objectivement. Hein, on peut calculer le nombre de couleurs qu'il y a dans le champ de vision d'une personne en moyenne. Mm-hmm. On sait que ça baisse. On voudrait que ce monde gris, un monde sans couleur, ce soit le plus beau monde qui ait jamais été. Ça demeure... Ça me semble pas vrai, en tout cas. Ben, il faudrait retourner aux années 60 pour l'excellent noir et blanc qu'il y avait à l'époque, là. Il y avait du noir et blanc à la TV, mais on avait des couleurs dans le monde. Ouais. Là, à ouais. ce temps, c'est le contraire. La c'est TV vrai. Est rendue en couleur. C'est vrai. Hein. Avec Game of Thrones qui nous montre, justement, ben, je le sais que c'est un passé de fantasy puis c'est pas un passé réel, mais qu'est-ce que... Moi, j'ai lu les romans. J'ai même pas fini la série télévisée. Mais tout de suite, quand les romans ont commencé, je me demandais, mais combien de gens ils vont mourir dans cette série-là? Puis surtout, comment l'humanité fait-elle pour survivre dans un monde où il meurt tant de gens? T'sais, puis on n'arrête pas de nous montrer la vie humaine comme ne valant rien dans le passé. On tue les gens pour aucune raison. Alors que c'est ridicule. Si la vie n'avait rien valu comme ça, effectivement, il n'y aurait plus d'humains sur Terre. Non, hein, c'est sûr. Et s'il n'y avait pas eu d'idéal à l'époque, ou s'il n'y avait pas eu de raison de s'entretuer comme ça, il n'y aurait pas eu non plus beaucoup de raisons de se reproduire. Effectivement. Je vais vous dire salut là-dessus. Je trouve ça très drôle qu'après avoir accepté de vous parler des années 80. Hier, on écoutait Naked Gun avec ma famille. Ah oui, le nouveau? Ah oui, non, l'ancien. OK. Par tout hasard. Puis ce matin, j'ai ouvert mon DVD et physique. Puis je suis tombé là-dessus. Il y avait ça par hasard. Ferris Bueller. You live them, you love them. C'est les années 80. You live them, you love them. Now you can wear them. Home, sweet home. Of the 80s. Wow. Non, mais ça m'hallucine quand même. Puis le nombre d'absurdités qu'il y a dans cette publicité-là est mesurable à comment on voit les années 80 comme parfaites. Ouais. Vous les avez vécues. C'est un genre de paradis. Vous les avez aimées. Oui, c'est un paradis. Mais tu sais, dans Back to the Future, tu sais, dans le café, là, quand il arrive là au début, ben, là, oui. C'est un genre de paradis des années 80. Tu sais. Oui, mais pourtant, c'est les années 50. On est encore à une époque où on montre le passé tout à fait. De manière pas seulement négative. Que les années 80, c'est comme une espèce de succès d'année, là, genre décaféiné des années 50. Là, tu sais. Oui, effectivement. Oui. Bon, tantôt, j'ai pas donné mon adresse. Je fais effectivement des salons politiques. Ben, vas-y. Il va en avoir un samedi. Un salon la politique. La conférence, ça commence à 8h. Samedi j'ai à 8h. J'ai dit tantôt qu'il serait question de science. Oui. Et de comment que la science nous aide à progresser dans le monde. C'est à 350, 5e rue. 350, 5e rue. Appartement 15. À l'appartement 15. À 8h demain. Après-demain. Ouais. À 8h samedi. Oui, samedi. Samedi, donc, à 20h. Et nous, on va aller faire un tour, sans doute, pour aller voir ça. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu chez toi. C'est un appartement vraiment superbe. Pour ceux qui aiment la bande dessinée, moi, je suis un maniaque de bande dessinée. Et Dominique aussi a cette fantaisie. Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et j'espère que tu vas revenir. Peut-être, oui. Okay. J'ai rien contre. Yes, ça a été super stimulant. Bye. Salut, Dom. Salut, bonsoir. Bye-bye, merci à toi. Allons-y avec une excellente chanson de Rush. Non, c'est pas Rush, excusez. C'est Judas Priest et c'est You've Got Another Thing Coming parce que dans Genix et Climax 80, en fait, justement, c'est le sous-titre du bouquin. C'est la chanson Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, et on va aller à une publicité tout de suite après, et on vous revient ensuite pour la séquence 1 de votre feuilleton radio préféré, Jenny Cyclimax 80, sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Drink in your hand, trying to defend a name, famous sense that you're someone in control. You're wearing a mask, hiding behind. De retour sur les ondes de CKRL Radio, le 89.1 en direct de la 3e Avenue à Québec. Et donc, ça a été très stimulant d'avoir Dominique. On y va en collaborant avec nos équipes spécialisées. Pour la publicité,

dans la musique métal et la semi-délinquance. Voilà. Genix et Climax 80. C'est au sujet de tout ça. La musique et les tribulations masturbatrices. Voilà. Et tout ça sur un contexte très à la mode, très dans le vent. Avez-vous regardé l'émission, enfin, la série Stranger Things, hein? Lana, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas pire. C'est pas pire. Ouais, ben moi, je trippe dessus. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai hâte de terminer la troisième saison. On va se regarder ça peut-être en fin de semaine. Stranger Things, en tout cas, on le recommande. On a beaucoup de musique des années 80, effectivement, mais aussi la trame est située les années 80. Non, ben les oui, années, ça se passe 80, en 85, ouais. Le truc. En tout cas, c'est pas pire, c'est l'horreur et c'est... En même temps, on retrouve tous les anciens personnages, tu sais, qu'on voyait dans les films à l'époque, Schwarzenegger, etc. Mais ils sont déguisés dans... Enfin, tous les personnages sont là, tu sais. Tout à l'heure, avec Dominique, on parlait de Goonies. Mais justement, tu sais, c'est comme si c'était les Goonies, mais un petit peu plus vieux, là, tu sais, dans des aventures, en fait. C'est hallucinant, vraiment. C'est à voir. Durant le temps des fêtes, les amis, en tout cas, là, si vous voulez... Si vous cherchez une série, un truc à regarder sur Netflix, eh bien... Je le recommande. Stranger Things. C'est à voir. Donc, on va y aller avec... écoute, il est 1h05. Et on va y aller avec une première séquence de votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80, sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1. Et c'est en direct de Québec City, sous la neige. Et on va y aller donc avec l'épisode, la séquence 1. Qui est à la page 166 et qui s'intitule « J'étais tout oui ». Aussi étais-je tout oui quand Ricky m'a parlé de son projet d'audition prochaine en tant que chanteur pour ce groupe de Québec City. Qui répétait sur la rue des Sables, à Limoilou, les Headbreakers. Groupe de reprise métal qui, selon ses dires, s'apprêtait à se lancer à l'assaut des bars rock du Québec. Je m'étais tout de même permis de trouver un peu étrange qu'il veuille soudainement être chanteur, puisqu'il se donnait tant de mal pour être successivement guitariste et batteur. Il faisait des pieds et des mains depuis des mois pour réussir à bricoler des solutions, juste en attendant d'arriver éventuellement à pouvoir se payer une vraie batterie, ne serait-ce que d'occasion. Mais celle-ci aurait eu de vraies cymbales cette fois. Or donc, pendant toute une longue matinée à sécher les cours et à traîner ensemble dans les couloirs déserts de l'institution, bien sûr, en évitant soigneusement de tomber sur Jeff, qui m'avait toujours dans son collimateur, Ricky m'avait rempli tout un trou dans mon horaire de cours de l'avant-midi, avec un topo de long en large sur toute cette histoire d'audition. Ah, je trouvais qu'il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Ce devait sûrement être l'une de ses expériences, du genre de celle qui, à tout moment, le faisait démonter toutes sortes de machins, juste histoire de voir comment cela fonctionnait, quoi. Pour remonter le truc correctement, par contre, alors là, on pouvait toujours se brosser. Il était super rare de retrouver un truc qui fonctionne encore suite à son intervention. Je me disais qu'il devait aimer tenter ses propres limites. En sortant régulièrement de sa zone de confort, rien que pour se mettre en danger, afin sûrement de se révéler à lui-même. « On écoute le groupe Depeche Mode. Yeah. Never let me down again, Depeche Mode. C'était le groupe Depeche Mode avec son excellent tube des années 80, Never Let Me Down Again. Et on va y aller tout de suite avec une chanson dédiée à notre beau monde français, encore en lutte pour son existence, ici en Amérique du Nord. Essayons de promulguer nos racines, notre façon de dire bonjour, bonsoir, fuck you. Et c'est Marcia Bailar. That's right, baby. Vous écoutez CKRL Radio, le 89,1 à Québec. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur X. En fait, cherchez notre compte, c'est Genix et Climax 80. Donc, c'est simple, c'est le nom de l'émission. Ou sinon, vous pouvez aller sur Facebook. C'est une page artiste, c'est ma page artiste. Monsieur Florian, c'est en lettres majuscules. Monsieur Florian, M-R Florian, F-L-O-R-I-A-N. Donc, c'est facile, les amis. Allez-y. Venez nous voir, venez nous parler au 88-640-1586 pour nous dire une chanson des années 80, ou ce que vous pensez, ou ce qui vous passe par la tête. Appelez-nous, les amis, au 88-640-1586. On écoute Marcia Baila et Rita Mitsuko. Ce jeudi, et comme tous les jeudis soirs, de minuit à 2h, eh bien, c'est votre feuilleton radio préféré, à CKRL Radio, le 89,1. on va pouvoir y aller donc avec notre deuxième séance, séquence, et ça s'intitule Bas. Bah, je pensais que malgré sa nouvelle coupe de cheveux qui faisait vaguement glam, un genre de balayage blond, alors qu'il était plutôt brun, assez long sur les côtés et aussi derrière la nuque. Par contre, avec son visage un peu joufflu et ses oreilles bien dégagées devant, ça donnait la coupe Longueuil balayée. Long en arrière, court en avant. Un énorme morceau de la mode masculine de l'époque. Sur le dessus du crâne, il ajoutait une légère touche personnelle de gel qui lui faisait un genre d'effet porc-épic. Comme une forêt très épaisse de stalagmites, tout en cheveux, ça formait comme un espèce de champignon radioactif à la Tchernobyl. De loin, on aurait dit un espèce de chapeau en poil de bête, tout ébouriffé sur le dessus. C'est fait exprès, cousin. C'est pour mieux se faire des minettes à gogo. Oh là là, j'y comprenais rien alors. À la John Bon Jovi, tu vois? Style beau gosse, big smile. Sauf que beaucoup moins bling bling. John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Vous êtes en direct de Québec sur CKRL Radio, le 89,1. On écoute John Bon Jovi. C'était You Give Love a Bad Name de John Bon Jovi. Et on a eu un appel d'un ami, Michel Richard. Et il nous a demandé une demande spéciale. Comme vous savez, vous pouvez appeler à la station pour nous demander une demande spéciale ou faire un commentaire ou dire ce qui vous passe par la tête. Et Michel, lui, il nous a demandé Perfect Stranger. Perfect Strangers, c'est une super chanson des années 80, de 1984. Et on va vous la mettre straight pipe right now sur les ondes de CKRL Radio. Pour toi, Michel, et pour tous les auditeurs, c'est dédié à tous les auditeurs de CKRL Radio. Le 89,1. Sur la vieille capitale, il est 1h24. Salut Michel. Perfect Strangers. Cette chanson à tous les auditeurs de CKRL Radio, en ce 4 décembre, où c'est l'hiver, les amis. L'hiver est revenu parmi nous, et il y a de la neige. C'est comme ça. C'est le Canada. Et on écoute Perfect Strangers, parce que des fois, dans notre belle vieille capitale, on a l'impression, quand on se croise les uns les autres, d'être des parfaits étrangers. Mais en cette période des fêtes qui s'apprête à commencer, on a la guignolée des fêtes, et on vous invite à donner. Donnez, les amis. Donnez de vous. Donnez de tout. Soyons de parfaits étrangers qui apprennent à se connaître, à s'aimer. Perfect Strangers, Deep Purple, sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. C'est clair que Deep Purple et Perfect Strangers, c'est totalement sur la coche. Parce que, écoute, le Jennix à l'époque, quand il allait dans les bars rock avec ses amis Martin, Ricky, Bidule, toute la clique, ben on allait voir des bands, et puis souvent, ben cette chanson, c'est une chanson récurrente. Perfect Strangers, Deep Purple. Merci Michel. KRL. Radio. Salut, ici Orage Jean. Je suis auteure, compositrice, interprète et lévisienne et je vous invite au lancement de mon deuxième album live Places. Places, ce sont des chants de liberté que j'ai si hâte de vous offrir. Ça se passe le 12 décembre au Bureau des artistes du littoral à Lévis. On se voit là-bas! Au Fonds d'emprunt Québec, nous sommes fiers d'accompagner les entrepreneurs d'ici. Et c'est pourquoi nous avons lancé Trampoline, une boutique éphémère située au cœur de Saint-Roch. Cet espace unique permet aux entrepreneurs de tester leur marché et d'offrir à la communauté une expérience originale. Située au 600 rue Saint-Joseph-Est, Trampoline vous invite à découvrir et à acheter des produits locaux créés par des artisans et entrepreneurs de la région. Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Québec et de la Caisse des Jardins de Québec. Deux soirées inoubliables à l'Anglicane. Samedi 6 décembre, voyagez avec la famille Leblanc. Une fête musicale aux accents baroque, jazz et traditionnel entre Poitou, Louisiane et Acadie. Mercredi 10 décembre, laissez-vous émouvoir par Émile Procloutier et ses nouvelles chansons de l'album « Ma main au feu » dans un spectacle vibrant et poétique. Réservez vos places dès maintenant sur espacedcl.ca. Premier acte et la Vierge folle présente Peter Pan de poche. Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez vous réchauffer dans les voûtes de la Maison Chevalier, vous servir dans notre irrésistible bar à dessert et apprendre à voler avec le garçon qui ne voulait pas grandir. Un conte musical drôle et enchanteur conçu pour toute la famille. Du 20 au 31 décembre au cœur du Petit Champlain. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Ho, ho, ho! Pendant les fêtes, tu veux bien recevoir, peut-être même épater la galerie. Les vins Courville sont là pour ça. T'auras pas l'air fou. Non, non, non! Découvrez les vins bio de Courville à la SAQ. De retour à votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80. Tous les jeudis soirs, de minuit à 2h du matin. Et donc, je veux faire une petite annonce. Pour le temps des fêtes, en fait, là, la semaine prochaine, on va être encore dans notre feuilleton radio préféré. Mais dans la semaine qui va venir ensuite, on risque, les amis, de tomber dans quelque chose d'autre sur Genix et Climax 80. On va être impliqué dans un feuilleton. En fait, ça va toujours être votre feuilleton radio préféré, les amis, mais on va dévier et on va faire des contes de Noël. Et c'est extrait d'un bouquin qui a été publié par le même auteur que Genix et Climax 80. Et c'est donc ce premier bouquin publié il y a quelques années déjà. C'est Trois contes d'hiver de M. Florian. Et on va lire des contes de Noël pour le temps des fêtes. Et la semaine prochaine, on risque aussi d'ailleurs de faire un petit spécial Beatles pour célébrer le 45e anniversaire du départ de notre ami John Lennon, qui est parti trop tôt, malheureusement, avant d'avoir bouclé son album. Il s'est fait tirer juste après une séance d'enregistrement. C'est con. C'est très con. Enfin, c'est la vie. Donc, allons-y avec notre... Enfin, quand je dis c'est la vie, c'est que c'était la vie de John, quoi. C'était sa vie, et donc c'était sa mort. Et la semaine prochaine, on va faire un petit spécial Beatles. Et donc, vous l'avez venu, vous l'avez peut-être vu venir. Depuis quelques semaines, on s'amusait à balancer des chansons de John. Mais la semaine prochaine, ça va y être. Donc allons-y pour la séquence 4 de cette soirée, Genix. Cette soirée qui était spéciale puisqu'on avait un invité. Je vous invite, pour ceux qui l'ont manqué, à l'écouter en différé. Il suffit de faire Google, Genix et Climax 80, et pouf, bingo, balado, vous tombez sur les podcasts audio de votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Allons-y donc pour la séquence 4. Et ça s'intitule Das ist kaputt, Herr Caporal. Page 168. Enfin, il persistait et signait son extravagance avec des lunettes de vue dont les montures étaient complètement pétées. Elles étaient HS, les montures de ses lunettes. Das ist kaputt, Herr Caporal. Néanmoins, Ricky, industrieux comme une abeille ouvrière, ne stressait pas avec si peu. Il avait réussi tant bien que mal à se les rafistoler avec du scotch, un peu de papier mâché et beaucoup de patience, afin qu'elle puisse de nouveau tenir sur son nez ses putains de lunettes. Et encore, en un seul morceau, ce serait mieux. L'ensemble était parfaitement étrange, bien qu'assez subversif. Avec ou sans lunettes, il va de soi que je gardais mes impressions pour moi quant au look très perso de mon cousin. Chacun fait ce qu'il veut, après tout. Moi, du moment où personne ne me demandait mon avis. Par contre, j'admirais tout de même le fait d'être assez audacieux pour se présenter comme ça, en public, de s'affirmer de cette manière et de vouloir, en plus, pousser la chansonnette dans un groupe métal, les Headbreakers. Fallait le faire. Elvis lui-même n'aurait pas trouvé mieux sur Beale Street. Je pensais que ça prenait quand même du courage pour faire tout ça. Je trouvais qu'il y allait vraiment fort dans l'expression dynamique et dans l'affirmation de soi. On écoute. John Lennon. Cold Turkey. Can't see no future. Vous êtes sur CKRL Radio. Can't see no sky. Le 89.1. En direct de Quebec City. So is my head. I wish I was a baby. I wish you was dead. My body is aching. c'était Cold Turkey de John Lennon and the Plastic Hono Band. Ça annonce notre spécial des Beatles de la semaine prochaine. Vous écoutez Genix et Climax 80. Et on va y aller avec la séquence 6. Ça s'intitule Humblement. Seulement, en toute humilité, connaissant assez bien les talents de chanteur de Ricky à l'époque, je doutais fort que les Headbreakers, du moins s'il s'agissait vraiment d'un groupe sérieux, je doutais qu'ils allaient penser à retenir sérieusement ses services vocaux dès qu'ils auraient tâté de ces super yaourts en capilotade. Sincèrement, je pensais qu'en dépit de toute sa bonne volonté, de toute son envie, de tout son bel enthousiasme, avec toute mon amitié, mon admiration, ainsi que tout mon respect pour lui, je lui souhaitais quand même de profiter de cette expérience comme d'une opportunité de mieux se connaître lui-même, d'être plus conscient de ses propres limites. Allez, disons seulement que je le trouvais beaucoup plus percutant à la batterie. Et il allait par la suite, d'ailleurs, devenir un excellent batteur. On écoute une chanson qui aurait pu passer à l'époque, sous l'heure du midi dans le mail, de la polyvalente, la glorieuse polyvalente de Lévis. I Just Die in Your Arms Tonight, c'est Cat and Crew. That's right. On le dédie à tous les étudiants, anciens étudiants, étudiants et actuels, de la glorieuse polyvalente de Lévis. Et s'il y a d'autres gens qui veulent dédier à une polyvalente en particulier une chanson, eh bien, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 88-640-1586. Appelez-nous, les amis, sur CKRL Radio 89.1. On est en direct à Québec City. I Just Die in Your Arms Tonight. C'est une vieille chanson, une vieille rengaine, mais ça le fait toujours. C'est sur la coche. Just die in your arms tonight. C'était dédié à tous les amoureux qui nous écoutent, tous les Roméo au cœur transi, tous les Juliettes au petit cœur mou. C'est pour vous. I just die in your arms tonight. Il fait moins 8 degrés sur la vieille capitale. La neige va rester. Hein. Je pense qu'on est dû. Là. Je pense que c'est commencé. C'est l'hiver, les amis. Voilà. C'est notre pays. Et il faut l'accepter. Allons-y avec une dernière séquence. On va y aller sur une chanson excellente. Toujours les années 80, les amis. C'est une chanson métal pour nos amis métalleux. Et c'est Iron Maiden, extrait de leur album Peace of Mind, To Tame a Land. Et on va y aller avec notre dernière séquence. On va y aller, on a le temps. C'est une longue chanson, mais on écoute Iron Maiden. To Tame a Land sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. Seulement, avec tout ça, j'en vins à me dire que si jamais l'offre tenait toujours, après qu'il ait tenté sa chance, j'allais moi aussi tenter la mienne avec les Headbreakers. Et pourquoi pas? La rumeur qui circulait jusque dans les couloirs de la poly de Lévis disait que le groupe en avait déjà essayé des dizaines, et de bien meilleurs que nous, sans jamais être satisfait. Je n'avais donc strictement rien à perdre. Et, à ce qu'on racontait, ils jouaient Iron Maiden de façon intégrale. Intégrale, je te dis. Moi, j'avais super hâte de voir ça. Voilà les amis, alors il est 1h49 et c'est ce qui conclut ce soir notre 21e épisode, qui était un épisode spécial puisqu'on avait notre ami Dominique en tant qu'invité dans la première partie de l'émission. Mais on sera de retour la semaine prochaine les amis pour votre feuilleton radio préféré. En attendant la fin, on écoute Iron Maiden, To Tame a Land sur CKRL Radio. Le 89,1 à Québec. écouter Iron Maiden, To Tame a Land. On est un peu obligé de la skipper parce que on a une annonce spéciale à faire ce soir. C'est pour un des personnages de Genesis Climax 80, sans laquelle toute cette histoire et tout cet épisode, enfin tout ce show même, n'aurait pas lieu. Et je veux parler ici de ma grand-mère, Maman Isola, donc qui persistait à se faire appeler Maman Isola parce qu'elle refusait de qu'on l'appelle grand-maman, comme tout le monde. Et donc on va lui dédier cette chanson. Maman Isola, bon anniversaire pour tes 101 ans, ton 101e anniversaire sur cette foutue planète où, eh bien, qu'on adore. Qu'on adore, évidemment. Où on vit, hein. De toute façon, faut bien l'adorer, comme faut bien aimer les cartes qu'on nous distribue. Et donc, it's been a long time. J'invite les gens aussi qui ont des grands-parents à aller les voir durant cette période des fêtes. Et donc, joyeux anniversaire, Maman Isola, pour tes 101e chandelle. Bonne fête, on t'aime. 101 ans, Maman Isola, c'est pour toi. It's been a long time. But words can wait until some other day. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since. Je veux aussi faire un petit clin d'œil à la famille Plante de Saint-Lazare de Bellechasse, qui la famille, écoutez, bonsoir et un joyeux temps des fêtes. Aussi à la famille des Labrec à Saint-Damien de Bellechasse. Et à toutes les bonnes gens de Bellechasse et de la Rive-Sud, on vous envoie un beau bonsoir et on vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1. On était en direct ce soir de Québec. Bonsoir, Lana. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Et un bon temps des fêtes. N'oubliez pas de donner à la guignolée. Bon anniversaire, Maman Isola. Voilà, c'est ce qui clôt nos programmes pour ce soir. Restez à l'antenne pour une autre belle nuit en musique sur CKRL Radio 89,1 à Québec. Bonne nuit, Lana. As-tu un mot pour nos auditeurs? As-tu quelque chose? Alors, laissez. Bon rêve. Et on se voit la semaine prochaine. Bon rêve. Pas de et plus. Pensez à la nostalgie, ce qu'elle peut faire. Oui, la nostalgie. Évidemment, des fois, ça peut faire des pas de géant, justement, pour aller passer la guignolée ou quelque chose, aller voir ses grands-parents, aller voir ses parents, aller voir. Bonne nuit, les amis, sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec.